Au moment où le soleil disparaissait, au-delà du lac Taupo, les captifs furent conduits à leur prison, le Waré Atua. Il leur restait une nuit pour se préparer à mourir. 25 indigènes veillaient à la porte du Waré Atua. Tous portaient de fréquents regards sur la hutte confiée à leur surveillance. La seule issue, c'était l'entrée même du Waré Atua, et les Maoris gardaient cette langue de terre qui la réunissait au pas comme un pont-levis. Toute évasion était donc impossible. Un silence de mort régnait dans la hutte. À 4 heures du matin environ, l'attention du major fut éveillée par un léger bruit qui semblait se produire derrière les poteaux du fond, dans la paroi de la hutte. On creusait à l'extérieur. Dès lors, Wilson, Olbinett se joignirent à leurs compagnons et tous se mirent à creuser la paroi à l'intérieur. Le sol était fait d'une terre meuble et friable que recouvrait le tuf siliceux. Les captifs redoublèrent leurs efforts. John Mangles évita le couteau qui s'agitait hors du sol, mais il saisit la main qu'il tenait. C'était une main de femme ou d'enfant, une main européenne. « Petite sœur, dit Robert, je suis là pour vous sauver tous, mais silence !» Et il s'expliqua. « Pendant le tumulte, j'ai pu me dérober à leurs yeux. J'ai franchi l'enceinte. Pendant 2 jours, je suis venu reconnaître ce côté du retranchement où s'élève la prison, et j'ai vu que je pourrais arriver jusqu'à vous. » « Paganel est en bas, demanda Glenarvan. « Mais non, Milord. Vous ne vous êtes pas rencontrés dans ce tumulte ?»« Non, Milord. »« Partons, dit le major. Il n'y a pas une minute à perdre. » L'évasion ne présentait pas de grandes difficultés. Les captifs pouvaient gagner rapidement les vallées inférieures, tandis que les Maoris, s'ils venaient à s'apercevoir de leur fuite, seraient forcés de faire un très long détour pour les atteindre.